fuck. J'attends plus carré de la c'est qu'un flush. Nique sa mère la carrera. Je fais des dérapages en la coste. Me suisse dans les cages, j'ai le sommeil délicat. Le matin je commande, observe la jungle depuis le toit ou Arta. Loin des beaux rivages, je fais pas la tour pour des miracles. Par toi de mon espace vital. Ma vengeance graille la glace et a bien plus que deux visages. J'ai allumé des apaches, la fumée dans ma bûche. Car je suis malade à la vitesse de ta vie full tard. Je m'approche de mélange aux pattes. Putain cette ville manque de panache. L'été est glacial qu'une taille me fasse un massage. Mais les j't'arrête leur salade dans leur seul panier. Ces bâtards m'appellent le singe, mes flics des coups chimpanzés. Moi j'kiffe les châles rasés, la musique et l'oseille. J'aurais pu faire avocat, alléger la peine des collègues. Mais la loi c'est pas mon truc, pour l'emploi j'ai pas la tête. A grailler qu'un foutu qui le whisky calme ma peine. Moi j'fais un poltergeist, 1-2-0-5. Mon code postal, les ghostbusters veulent pécho, pas ton masque. Ils avalent ma batte, j'suis à la recherche de target. Crame des quêtes plats, que du charbon pour mes pastels. Pour mon rap on me dit Sardex. De la fraîche une malpaque, pousse les décibels. J'fais des soirées rap-back, j'suis chez Tan en bicyclette. J'ai cassé de la porcelaine, mes potes se lèvent. Au soir ou à l'heure de la scène. On trouve un trop beau dans la tête, j'ai mis mon avenir dans la veine. Le moral hors de l'assiette, ça me saoule d'atterrir. Trop de choses m'en empêchent. Cous, pose, gars dans mes plaies. Rien à battre de ta pelite. Moi c'est plein palais, jonction, un marécage comme satellite. Dans mon coin c'est bordélique. Allez, bah allez, plus de rêve, expliquez-leur les choses. Putain, marécage, t'es pas. On a freiné nos ambitions. Barricage, street, DJ Twista. Ok, ça fait 1-2-0-5, man. Ok, stade à Bonhan. Fais fumer, ouais. Fais fumer, fais fumer, ouais. Okay. Stade du bon sky. Fais teaser, ouais. Fais teaser, ouais. Fais teaser, ouais. Okay. Stade du bon set. Faut payer, man. Faut payer, ouais. Faut payer, ouais. J'encule le monde. Barricage, street, ouais. Au cachet, ouais, au cachet. Dans mon coin c'est bordélique, la trace des piqûres, la gamme, les pertes d'hémoglobine. T'as niché pitbull, la poisse des insomnies. Mets pas les pieds dans le cratère d'un phénix. Ici les dunks sont fantaisie, j't'endors en un soupir. Je taille en un soupir, j'grave du tissu, écrase des pilules. Grave l'alcool russe, j'suis planqué dans la brume. Depuis belle urette, y'a des corridés furets. 1-2-0-5, des cartouches dans le burex. La pipette, j'la dilette, la boulette de ch'ch. La bouteille de jibi, j'attire les femmes d'Egypte. J'écris les cons de la crip, une baudrine et j'combine. Mon parcours conflit, j'fonce les sourcils, j'croque pas d'hostie. J'ai la gueule du diable, c'est ce que ma sœur dit. J'vois la maille de masterpiece. J'ai le moteur d'un bruit, pour le sa carrière vaut pas un texte de death ou beat. C'est la rue du chat. Plante à cité, vos profits, j'débarque à l'improviste. J'suis pas venu en touriste, t'as de la bonne hâte. Fais fumer, ouais, fais fumer, ouais, fais fumer. Okay. J'encule le monde, ouais, okay. Marécage, street, ouais. Obligé, ouais, obligé. Straight street, DJ Twista. Obligé, ouais, obligé, ouais, obligé. Genève garde la pêche, ouais. Obligé, ouais, obligé, ouais. J'encule le monde, ouais, ouais. Obligé, marécage, street. J'encule le monde, la menace fantôme. Tchak tchak dis-moi tchak tchak. Hey DJ Skep, t'es un bon toi. Tu viens d'où poteau? Ah c'est grillé. T'es en France 1-0-5 salaud. Ha ha. Hey les man, t'as vu ce film ou quoi? Eh ben non poteau, ça continue. Tu nous hales DJ Skep, t'es un bon, t'es un bon. T'es très très bon même. Tu peux t'engager dans le prochain album frère.